par The Rainbow. Écoute ce qu'on apporte le vent de loin. Écoute ce qu'on apporte le vent. I'm living the night of a dream. Bon, bon, bon, chicky, bon, bon, bon, bon, bon, chicky, bow. I'm living the night of a dream. Happy 'cause I see the sunshine over the rainbow. I see the sunshine over the rainbow.